Seconde Corinthiens chapitre 6. Ainsi donc, étant ouvriers avec lui, nous vous prions aussi, que vous n'ayez point reçu la grâce de Dieu en vain. Car il dit, je t'ai exaucé au temps favorable, et t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ne donnant aucun scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit point blâmé, mais nous rendant recommandables, en toutes choses, comme ministres de Dieu, en grande patience, en affliction, en nécessité, en angoisse, en blessure, en prison, en trouble, en travaux, en veille, en jeûne, en pureté, par la connaissance, par un esprit patient, par la douceur, par le Saint-Esprit, par une charité sincère, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche, parmi l'honneur et l'ignominie, parmi la calomnie et la bonne réputation, comme séducteur, et toutefois étant véritable, comme inconnu, et toutefois étant reconnu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, et toutefois non mis à mort, comme attristé, et toutefois toujours joyeux, comme pauvre, et toutefois enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien, et toutefois possédant toutes choses. Aux Corinthiens, notre bouche est ouverte pour vous, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Or, pour nous traiter de la même manière, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi à notre égard. Ne portez pas un même joug avec les infidèles, car quelle participation y a-t-il de la justice avec l'iniquité, et quelle communication y a-t-il de la lumière avec les ténèbres, et quel accord y a-t-il de Christ avec Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle, et quelle convenance y a-t-il du temple de Dieu avec les idoles, car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et vous en séparez, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose souillée, et je vous recevrai. Et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur Tout-Puissant.